Chapitre 4. Le brave et cher homme, songeait le juge une demi-heure plus tard dans le train qui l'emportait de nouveau vers Yon. Je l'ai fait parler tout de même, songeait-il encore avec une singulière satisfaction. Tout ce qu'il m'a dit de Lady Macbeth, il me le disait de Gervais Moreuil, et ses derniers mots, heureuse enquête, rapide et juste, que signifiait-il, sinon qu'il ne le croit pas coupable, et que les aveux de son délire prouvent simplement le bouleversement que lui a causé l'accusation de son patron. Et Pingret se répétait, il ne le croit pas coupable. Il a raison de se vanter de son diagnostic. C'est un fin clinicien, et qui a un coup d'œil. Je n'étais pas entré depuis une minute, il savait le motif de ma visite. C'est égal, quand il parle d'aveux qui n'en sont pas. Qu'est-ce qu'il fait, sinon de la théorie et de la plus arbitraire ? Un antagonisme grandissait en lui maintenant contre une affirmation qui dérangeait par trop ses habitudes d'esprit. « Mais acceptons sa théorie, conclut-il, et procédons d'après sa méthode, objectivement, et pensons aux circonstances, comme il dit. » Il s'efforça d'appliquer toute son intelligence à cette analyse. Il revit en imagination le cabinet du notaire, le bureau, le tiroir, puis la croisée, le jardin en terrasse, et par une invincible association d'idées, la silhouette d'Edmond Cantelme derrière la fenêtre de la tour en échauguette. Le soupçon, si brusquement surgi dans sa pensée devant le geste de disparition aussitôt accompli par le jeune homme, venait de le reprendre. Était-il possible, cependant, qu'avec un caractère que lui, son parrain, avait toujours connu si loyal, cet enfant eût commis cette abominable action qui lui volait son père? Mais la troublante, c'était comme si... Pingret eût entendu distinctement Pacôte prononcer ce mot chargé de tant d'inconnus. Quel procédé employer pour tirer la chose au clair? S'enquérir des relations d'Edmond à Paris? Pourquoi pas sur les spéculations de bourse de Moreuil? C'est qu'en dépit de ses affections, de ses désirs, de sa résistance même à la suggestion du médecin, son instinct de limier judiciaire le menait sur la vraie piste. Il connaissait à Rion deux étudiants en droit comme son filleul, venus eux aussi en vacances pour les congés de Pâques. S'il les interrogeait, à quoi bon? Ils ne trahiraient pas leurs camarades. D'ailleurs, cette enquête-là vaudrait du temps, et il fallait agir vite. Ce soir, demain matin, ou plus tard. Quand elle me reviendrait demander où en était l'affaire de sa plainte. Mais pourquoi ne pas communiquer son soupçon sur Edmond à Cantelme lui-même, qui procéderait à une recherche dans la chambre de son fils? Si l'on y retrouvait les billets de banque, tout serait fini. Oui, mais de quel droit? Sur une impression très douteuse encore, infliger à un père un tel affront, une telle douleur. Et puis, on pouvait ne pas retrouver les billets, et qu'Edmond les eût cependant volés. S'il avait une dette pressante de jeu à régler, ou bien une amie exigeante à contenter, sitôt l'argent pris, sitôt expédié. Sur ce point, la vérification était aisée. « Je passe à la poste, » se dit Pingret. « Je demande au directeur le cahier des recommandés de la semaine. » Si le nom d'Edmond y figure, et qu'il ait envoyé une lettre chargée, ce serait une preuve aussi. Ce projet avait cela pour lui qu'il représentait une action immédiate, seul soulagement dans les crises de trop pénible incertitude. Le juge s'y fixa donc. À sa descente du train, au lieu de prendre à droite, après l'avenue de la gare, le boulevard du collège sur lequel il habitait, il s'engagea, pour gagner le bureau de poste, dans la rue du Marturet, sans donner un regard à l'église de ce nom et à la célèbre Vierge à l'oiseau qui en décore le portique. D'ordinaire et en dépit de l'accoutumance, il s'arrêtait toujours devant cette merveille de la sculpture auvergnate qui avait, pour le minéralogiste passionné, ce charme d'être en domite, cette trachyte d'origine ignée qui compose la masse rocheuse du Puy de Dôme. Il s'agissait bien du problème des roches éruptives maintenant. Il avait pris la rue Grenier. Il était devant le bureau de poste. Il n'y entra pas. Un scrupule d'ordre professionnel le saisissait de nouveau et le paralysait. Du moment que l'affaire n'est pas introduite, je n'ai pas droit de faire acte de juge d'instruction. Demander cette communication au receveur, c'est lui demander une illégalité. C'était surtout... Mais Pingret se rendait-il compte du fond dernier de sa pensée? C'était provoquer la curiosité de ce receveur qu'il savait perspicace et fureteur. C'était risqué, lui parti, que ses yeux réfléchis, il les voyait à cette minute, consultassent à leur tour ce registre des recommandés, et qu'ils rencontrassent le nom d'Edmond Cantelme accolé à celui des quelques femmes demeurant au quartier latin. À quel degré le juge aimait son filleul? Ce recul devant cette seule idée en témoignait, et la volte-face d'idée qui le faisait maintenant se diriger vers la rue où logeaient les Moreuil. Ne valait-il pas mieux écarter, au moins momentanément, ce soupçon sur ce filleul qui ne reposait que sur une hypothèse, et couler à fond d'abord le fait indiscutable, celui de l'aveu du clerc? Si Pacôte ne croyait pas à la véracité de cet aveu, il n'en niait pas l'importance. Il l'admettait à titre d'indication, mais de quoi? D'un bouleversement également explicable par la révolte et par le remords. Il y avait tout de même une enquête à pousser sur ce point. Comment? En insistant pour que la mère interrogeât encore son fils. À mesure que Pingré approchait de la maison de la veuve, il se sentait, lui, si déterminé d'habitude dans ses démarches de magistrat, incapable une seconde fois d'aller jusqu'au bout de cette démarche-là. Elle était trop dure. La malheureuse femme devait déjà tant souffrir. Autre arrêt, comme sur le seuil du bureau de poste tout à l'heure. Autre départ le long des boulevards qui cerneraient de leur ceinture. Le premier projet, celui de l'enquête sur Edmond, ressaisissait le juge. La troublante, songeait-il. Pacôte a raison. Nous en subissons tous des troublantes. C'est la déviation de l'astre. Mais si la déviation fausse la ligne de l'orbite, elle ne la détruit pas. Nos troublantes nous font commettre des actions hors de la courbe de notre caractère. Ce caractère n'est pas détruit. Tel que je connais Edmond, et en supposant qu'il ait pris les 2000 francs, il n'en est pas moins un garçon de cœur. S'il savait que son père soupçonne Moreuil, lui étant le coupable, il ne le supporterait pas. Mais s'il est coupable, il doit bien penser que son père fait des recherches pour les retrouver, ces 2000 francs, et par conséquent qu'il soupçonne quelqu'un. Eh non, quel a été son calcul? Que quand elle me remettrait les 2 liasses de billets de banque dans son coffre-fort avant de remonter pour le dîner et ne les rencontrait pas. Une fois dans le coffre-fort et mêlé aux autres, quand constaterait-il le déficit? Dans plusieurs jours, voire plusieurs semaines, trop tard. Il fallait passer la somme manquante aux profits et pertes, comme ils disent. Oui, voilà le principe de la tranquillité d'Edmond. Sa tranquillité. En attendant, il nous fuit tous, il a peur. Qu'il apprenne qu'un innocent va être inculpé, et quel innocent, l'honneur en lui se révoltera, s'il est coupable. De cette ligne-là, aucune troublante ne le fera dévier. Mais est-il coupable? Je le verrai bien à ses yeux, pendant que je lui parlerai, car je vais lui parler. Et déjà, il suivait la route qui par le faubourg mène à la vieille église de Mozac, débris d'une abbaye bénédictine où se trouvent les fameuses châsses de Saint-Calmin et de Saint-Autremoine. 20 minutes de marche, et il arrivait devant le porche en plein cintre du 12e siècle. Il resta déçu de ne pas apercevoir le jeune homme en train de dessiner. Ses soi-disant séances de croquis après le vénérable sanctuaire au mois n'étaient-elles qu'un alibi? Pingré fit le tour du monument. Toujours rien, il entra. Les chapiteaux romans de l'intérieur, ces chefs-d'œuvre de l'art auvergnat, pouvaient avoir tenté le crayon de l'étudiant. Edmond Cantel mettait là, en effet, qui copiait l'un des plus étranges, représentant des hommes nus à cheval sur des chèvres. Le bruit des pas du nouveau venu sur le pavé lui fit relever la tête. Il reconnut son parrain. Il pâlit, puis rougit, avec une violence qui se raccordait trop bien à son geste de retraite derrière la croisée quelques heures auparavant. Il avait reçu un coup au cœur. Le juge aussi. Cette pâleur, cette rougeur, c'était l'évidence. Pourtant, il voulait douter encore. D'ailleurs, l'évidence ne suffisait pas, il fallait la preuve. « Je ne savais pas où te trouver. » Commença-t-il. « Voyons ton dessin. » Et avec bonhomie. « Mais ce n'est pas mal du tout, ce croquis là. Quelles sont drôles, ces chèvres affrontées avec leurs barbiches qui se rejoignent et font ornement. Tu as bien raison d'aimer ce solide roman auvergnat. On a un peu gâté cette église en couvrant la nef centrale de cette voûte en croisée d'ogives. C'est égal, quels artistes que ces anonymes du Moyen-Âge. C'est jusqu'ici ou jusqu'à Enza que je dirige ma promenade, quand je veux me distraire de quelques gros soucis. Aujourd'hui j'en ai vraiment un, et très gros. Tu devines lequel? Non, fit le jeune homme, penché de nouveau sur son dessin. Mais sa main tremblait un peu, et elle écrasait la pointe du crayon sur le papier. « Comment, ton père ne t'a rien dit ?»« Sur quoi ?» demanda Edmond. « Mais sur l'incident de l'autre mardi ? Un vol, tout simplement, commis chez lui, dans son cabinet, à 5h30 du soir ?» Un client lui apporte 20 000 francs en 2 paquets de billets de banque épinglés. Il met ses paquets dans le tiroir de droite de son bureau, Il raccompagne le client sans se rappeler qu'il a laissé les clés sur la serrure. La conversation se prolonge. Ils font les 100 pas dans la rue, un quart d'heure peut-être. Ton père rentre. Il reprend les billets pour les serrer dans son coffre-fort. Il les avait comptés avec son client. Il les recompte, bien par hasard, distraitement. Il n'y en avait plus que 18. Or, il n'était entré qu'une personne dans la pièce, une seule. Et laquelle? Le second clerc, Gervais Moreuil, dit Edmond d'une voix étranglée. On le soupçonne? On ne le soupçonne pas, rectifia le juge. On le tient. Il était resté dans l'étude, seul, je te répète, après le départ de ses camarades, à classer quelques documents. Pendant que ton père et son client causaient sur le trottoir, il est entré dans le cabinet pour poser ses documents sur le bureau, comme il était convenu. Quand il est sorti de la maison, ensuite, il ne s'est pas arrêté pour dire à ton père qu'il avait fini son travail. Il allait vite, très vite, d'une allure qui s'explique trop, celle de quelqu'un qui vient de faire un mauvais coup. Après cela, nous avons su qu'il jouait à la bourse. Enfin, c'est le flagrant délit. S'il n'était pas tombé aussitôt malade d'une fièvre typhoïde, il serait déjà en prison. En prison ? Répéta l'étudiant, qui ne feignait plus de dessiner maintenant. Son saisissement était trop fort. Oui, la plainte de ton père est entre mes mains. Je la garde par-devers moi, uniquement à cause de cette fièvre, pour éviter au malade une émotion qui risquerait d'être fatale à lui et à sa pauvre brave femme de mère. Mais dès qu'il se remettra. La loi d'abord, n'est-ce pas? Le croirais-tu? À mon âge, après tant d'années d'exercice, je devrais être endurci contre les émotions de cette sorte. Eh bien non. Je suis malheureux, oui, malheureux. Je n'exagère pas. À l'idée qu'un jeune homme bien né, bien élevé, fils d'un père irréprochable, que j'ai connu comme ça et si gentil, avec une mère comme la sienne, ait pu se dégrader au point de commettre une pareille vilenie. Un cambriolage, c'est le vol qui n'est même pas pour lui le courage dans le danger. Et voilà un garçon perdu. Condamné, c'est pour lui la fin de tout. Acquitté, avec le jury tout est possible, c'est qu'il aura bénéficié d'un dernier reste de doute, mais qui laissera planer à jamais sur lui quelque chose d'infamant. Il devra quitter Rion, quitter son métier. S'il veut se replacer, on demandera des renseignements à ton père. Tu devines ce qu'il devra donner. En ai-je vu dans mon métier, de ces catastrophes de vie privée? Celle-là vraiment est trop sinistre. Elle m'a jeté dans une tristesse contre laquelle j'ai essayé de lutter en venant à Mauzac, chercher une belle impression d'art. Et puis je t'ai rencontré. Et tu vois? J'ai tort de te parler. Je l'ai encore aggravé, cette tristesse. Alors adieu, mon enfant. Finis ton dessin. Moi, je pousse jusqu'à ton Noël. La minéralogie, c'est mon autre remède. Je trouverai bien quelques scories intéressantes au bas du volcan de la Bannière.